À peine étions-nous dans le salon qu'elle disparut, et rentra le moment d'après. Elle n'était pas seule. Qui pensez-vous qu'elle amenait avec elle? Milord, c'était ses enfants. Ses deux enfants, plus beaux que le jour, et portant déjà sur leur physionomie enfantine le charme et l'attrait de leur mère. Que devais-je cet aspect? Cela ne peut ni se dire ni se comprendre. Il faut le sentir. Mille mouvements contraires m'assaillirent à la fois. Mille cruels et délicieux souvenirs vinrent partager mon cœur. Ô spectacle, ô regret! Je me sentais déchiré de douleur et transporté de joie. Je voyais, pour ainsi dire, multiplier celle qui me fut si chère. Hélas, je voyais au même moment la trop vive preuve qu'elle ne m'était plus rien, et mes pertes semblaient se multiplier avec elle. Elle me les amena par la main. « Tenez, me dit-elle, d'un ton qui me perça l'âme, voilà les enfants de votre ami. Ils seront vos amis un jour. Soyez le leur, dès aujourd'hui. » Aussitôt, ces deux petites créatures s'empressèrent autour de moi, me prirent les mains, et m'accablant de leurs innocentes caresses, tournèrent vers l'attendrissement toute mon émotion. Je les pris dans mes bras, l'un et l'autre, et les pressant contre ce cœur agité. « Chers et aimables enfants, dis-je avec un soupir, vous avez à remplir une grande tâche. Puissiez-vous ressembler à ceux de qui vous tenez la vie? Puissiez-vous imiter leurs vertus et faire un jour, par les vôtres, la consolation de leurs amis infortunés? » Madame de Volmar, enchantée, me sauta au cou une seconde fois et semblait me vouloir payer par ses caresses de celles que je faisais à ses deux fils. Après cette scène, M. de Volmar installe Saint-Preux dans la chambre qui sera toujours la sienne, même s'il s'en va, et laisse en tête à tête les deux anciens amants. L'embarras de Saint-Preux est grand, ainsi que son supplice, mais Julie est parfaite. On remue certains souvenirs et Saint-Preux s'aperçoit que Volmar sait tout. Il fixe très nettement la situation. La franchise la plus absolue doit rien entre eux. On doit vivre dans une maison de verre. Dès lors, le roman, tout en poursuivant l'étude d'un problème sentimental et moral, la vie sera-t-elle possible dans cette triade, dérive vers celle de l'organisation et des mœurs du domaine de Clarens.